lave chat, et pour mes chats. Et voilà la chose. Mes chats, mon calme manger chat. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Lave chat, et pour mes chats. Suez chat, mon calme manger chat. Lave chat. C'est chatou, tout le monde besoin manger. C'est yon yon qui was, les hommes même voient ça. Même si pète la lettre, les hommes pas pour causer. Oh chatou avec, tout le monde dit que ça bon. Voilà la chose.